Ok, me voici dans la peau d'une bête traquée dont je ne tirais pas les feux. Je fuis le track et traque un 16 tiré par les feux. Je suis pas de ces gars de la street qui font du commerce et qui tapent un strip. Ma liberté commence et qui tape un sprint. J'tape l'inspi dans un spliff, ce monde me trouble. Je cours à la rescousse, seulement un headspin en route secours. Une lourde basse pour la foulage, des une tasse pour se soulager. Après ça, y'a pas de pressage, je veux tout lâcher. Tu as ta vie d'après quand tu t'apprêtes à dire non. Torturé en pleine après-midi pour que t'apprennes à dire non. J'ai vu la patte près d'un buisson passer. Les mecs cavalent que tout est rose. Mais une cavale ça coûte des ronds quand on suit son passé. Cuisson crasse, les buts charbonnent mais les tarots baissent. L'amour personne nous blesse dans le boule d'une meuf que même les tarons baissent. On fuit, on se plante, on crie pour que nos qualités diverses s'expandent. Et on scande avant que la liberté se pente. Yeah. J'ai sans arrêt des idées noires, saoulé par la vie j'ai froid. Dans ma tête j'ai mis les voiles pour les Caraïbes. J'm'analyse frère, si j'freine, j'passe aux vitamines, c'est le stress. Un iceberg qui stresse face au Titanic. On s'acharne et rap à Genève. On te rattrape du haut de ton building. On fera passer par la fenêtre. Pas l'autocensure, j'divise ma feuille. Je pousse à fond, car y'a trop d'enflure qui se disent rappeurs et te foutent la honte. Depuis longue date, j'essaie de me calmer avec peu de syntaxe. Mais ce que l'on crache, c'est des grenades et pas des feux de Bengale. J'puis prendre des bières, garçon les doigts, ça. Oui, comme mes frères, j'ai le son des poissons qui donnent des ailes. Hip-hop, guéguerre, Inglorious Bastardis, God Vénère qui provoquera la discorde. Eh ouais, la troupe des troglodytes rajoute la couche des hémoglobines. La vérité sort de la bouche des crocodiles. La scène de crime sans laisser d'indices. Quitte la scène de crime sans laisser d'indices. Mais je quitterai pas la ville sans briser lundi. J'ai pris mes guis pour la mon coupe après de vendre mon boule. Mais j'perds un mec, tu danses un techno, tu prends mon pouls. J'pars en sucette, c'est hardcore, on s'adapte. J'cours comme Usain. Pas Bolt, mais Sadat. Et Sadat, que j'fuis les flics en claquettes. Faut faire un choix et vite de ruelle fils. Tu t'en claquelles, cavale avec du shit. Trop gras, la barbe, le nerf, la pression. Chacun sa part, ça part de merde. Ça part d'agression, les armes de guerre. Ouais, pour tenter de fourguer son beau mal. J'ai vu trop de partenaires de longue date se fourrer sans pommage. J'quitte la scène de crime sans laisser d'indice. La brindille. Mais j'quitterai pas la ville sans baiser l'indique. Ça craint du fut nique sa race. Et nique la prod à crime reaper. Faut que le titre s'arrache, qu'on kiffe ça comme un flic qui pleure. Un pizza, un bic, un pilon vide marave. J'ai le vise la rage, j'suis dans un bidon vide garage. Il n'y a aucune matière à rire, tu as accordé. Jour de fuir, avec une bannière à tenir. Une croix à porter, sous les tirs des fusées qui se déchargent. Je les entends venir et entends dire, courez vite, les fugitifs s'échappent. Qu'on puisse une bouffée d'air, avant qu'ils puissent nous couper l'herbe sous le pied. Mon gros est un cloné, c'est fou, préfère le doubler. La terre qui brûle, on fuit la routine, l'ennui, les jeux tristes. Sans certitude, on suivra tout de suite. L'envie d'être libre, c'est classique, on rêve déjà de la voix. Ce que dégage la voix, c'est magique. On fait de la zic, une bête d'échappatoire. On suit la côte, les météorites, j'connais ce viadon. On suit la côte, et l'héroïne. On m'a dit que rien ne sert de courir, qu'il faut partir à point. Trop pas attendre, tes rêves vont mourir. Et tu ne partiras point, traverser le vent, la foudre et les tempêtes. Mon parcours reste en tête, fugitif, je dois prendre la poudre des scampettes. Quitte la scène de crime sans laisser d'indices. Mais j'quitterai pas la ville sans briser lundi. Quitte la scène de crime sans laisser d'indices.